équipage là. Vous moquez-vous de vous être fait en harnaché de la sorte et avez-vous envie qu'on se raille partout de vous? Il y aura des sots et des sottes qui se railleront de moi, ma femme. Vraiment, on n'a pas attendu jusqu'à cette heure. Il y a longtemps que vos façons de faire donnent à rire à tout le monde. Et quel est ce monde-là, s'il vous plaît? Tout ce monde-là est un monde qui a raison et qui est plus sage que vous. Pour moi, je suis scandalisée de la vie que vous menez. Je ne sais plus ce que c'est que notre maison. On dirait qu'il est séant car il prenant tous les jours. Et dès le matin, de peur d'y manquer, on y entend un vacarme de chanteurs et de violons dont tout le voisinage se trouve incommodé. Madame, parle bien! Je ne saurais plus voir mon ménage propre avec cet attirail de gens que vous faites venir ici. Ils ont des pieds qui vont chercher de la boue dans tous les quartiers de la ville pour la porter ici. Et la pauvre Françoise est presque sur les dents à frotter les planchers que vos biomètres viennent crotter régulièrement tous les jours. Dites, notre Sarah, Nicole, vous avez le caquet bien affilé, pauvre paysanne. Nicole a raison et son sens est meilleur que le vôtre. Je voudrais bien savoir ce que vous pensez faire d'un maître à danser à l'âge que vous avez. Oh, et surtout d'un grand maître tireur d'armes qui vient avec ses battements de pied branler toute la maison. Il nous déracine tous les corions de notre salle. Taisez-vous, ma servante et ma femme. Est-ce que vous voulez apprendre à danser pour quand vous n'aurez plus de jambes? Est-ce que vous avez envie de tuer quelqu'un? Taisez-vous, vous dis-je. Vous ne connaissez pas les prérogatives de tout cela. Vous devriez plutôt songer à marier votre fille qui est en âge d'être pourvue. Je songerai à marier ma fille lorsqu'il se présentera un parti pour elle. Mais je veux songer aussi à apprendre les belles choses. J'ai encore ouï dire, madame, qu'il a pris aujourd'hui pour renfort de potage un maître de philosophie. Fort bien. Je veux avoir de l'esprit et savoir raisonner parmi les honnêtes gens. N'irez-vous pas l'un de ces jours au collège vous faire donner le fouet à votre âge? Pourquoi non? Plus d'adieu, l'avoir tout à l'heure, le fouet, et de voir tout le monde et savoir ce que l'on apprend au collège. Oh oui, ma foi, cela vous rendrait la jambe bien mieux faite. Sans doute. Tout cela est fort nécessaire pour conduire votre maison. Assurément. Vous parlez toutes deux comme des bêtes. Et j'ai honte de votre ignorance. Par exemple, savez-vous, vous, ce que vous dites à cette heure? Oui, je sais que ce que je dis est fort bien dit, que vous devriez songer à vivre d'autre sorte. Mais je parle pas de ça, vous dis. Je vous demande ce que sont les paroles que vous dites ici. Ce sont des paroles sensées, et votre conduite n'a les guère. Mais je parle pas de ça. Je vous demande ce que je vous dis, ce que nous parlons à cette heure. Qu'est-ce que c'est? Des chansons. Et non! Ce que nous parlons, le langage, oui, que nous parlons à cette heure. Eh bien. Comment est-ce que cela s'appelle? Ça s'appelle comment on veut l'appeler? Mais non! C'est de la prose. Ignorant. De la prose. Oui, de la prose. Tout ce qui est point prose est point vert. Et ce qui est vert est prose. Ce qui est pas vert est rose. Et ce qui est... Voilà ce que c'est que d'étudier. Et toi, sais-tu bien comment il faut faire pour dire un U? Comment? Qu'est-ce que tu fais quand tu dis un U? Quoi? Dis U pour voir. Bah U. Qu'est-ce que tu fais? Dis U. Oui, mais quand tu dis U, qu'est-ce que tu fais? Je fais ce que vous me dites. Ah, l'étrange chose que d'avoir affaire à des bêtes. Quand tu dis U, tu abaisses la mâchoire d'en haut sur celle d'en bas. U. Je fais l'amour. U. Ah oui, cela est bien. Voilà, c'est admirable. C'est bien autre chose si vous aviez vu O. Et da, da. Et fa, fa. Qu'est-ce que c'est donc que tout ce galimatia là? De quoi est-ce que tout cela guérit? J'enrage quand je vois des femmes ignorantes. Thank you. Voyons, et vous voilà tout à propos. Mon mari vient, prenez vite votre temps pour lui demander Lucille en mariage. Oh, madame, que cette parole m'est douce et qu'elle flatte mes désirs. Pouvais-je recevoir un ordre plus charmant, une faveur plus précieuse? Monsieur, je n'ai voulu prendre personne pour vous faire une demande que je médite il y a longtemps. Elle me touche assez pour m'en charger moi-même. Et sans autre détour, je vous dirai que l'honneur d'être votre gendre est une faveur glorieuse que je vous prie de m'accorder. Avant que de vous donner réponse, monsieur, je vous prie de me dire si vous êtes gentilhomme. Monsieur, la plupart des gens sur cette question n'hésitent pas beaucoup. On tranche le mot aisément. Ce nom ne fait aucun scrupule à prendre et l'usage aujourd'hui semble en autoriser le vol. Pour moi, je vous l'avoue, j'ai des sentiments sur cette matière un peu plus délicats. Et je vous dirai franchement que je ne suis pas gentilhomme. Touchez-la, monsieur! Ma fille n'est pas pour vous. Comment? Vous n'êtes pas gentilhomme. Vous n'aurez pas ma fille. Que voulez-vous dire avec votre gentilhomme? Est-ce que nous sommes nous autres de la côte de Saint-Louis? Taisez-vous, ma femme, je vous vois venir. Descendons-nous tous deux que de bonne bourgeoisie? Voilà pas le coup de langue. Et votre père n'était-il pas marchand aussi bien que le mien? Peste soit de la femme, elle y manquera jamais. Si votre père a été marchand, tant pis pour lui. Mais pour le mien, ce sont des malavisés qu'on dit cela. Tout ce que j'ai à vous dire, moi, c'est que je veux un gendre gentilhomme. Il faut à votre fille un mari qui lui soit propre. Et il vaut mieux pour elle un honnête homme riche et bien fait qu'un gentilhomme gueux et mal bâti. Cela est vrai! Nous avons le fils du gentilhomme de notre village qui est le plus grand dada et le plus sot malhonnête que j'ai jamais vu. Mais dites-vous, vous fourrez toujours dans la conversation. J'ai assez du bien pour ma fille. Je n'ai besoin que d'honneur. Et je la veux faire marquise. Marquise? Oui, marquise. Hélas, Dieu m'en garde. C'est une chose que j'ai résolue. C'est une chose, moi, je ne consentirai point. Les alliances, avec plus grand que soi, sont sujets toujours à de fâcheux inconvénients. Je ne veux pas qu'un gendre puisse à ma fille reprocher ses parents et qu'elle ait des enfants qui aient honte de m'appeler leur grand-maman. S'il fallait qu'elle me vînt visiter en équipage de grande âme et qu'elle manquât par mégarde à saluer quelqu'un du quartier, on ne manquerait pas aussitôt de dire sans sottise. Voilà bien les sentiments d'un petit esprit que de vouloir rester toujours dans la bassesse. Ne me répliquez pas davantage. Ma fille sera marquise en dépit de tout le monde. Et si vous me mettez en colère, je la ferai duchesse. Perdez point courage encore. Suivez-moi, ma fille, et venez dire à votre père que si vous ne l'avez, vous ne voulez épouser personne. Que diable est cela? Et donc les grands seigneurs à mon crochet. Et moi, je n'aurai rien de plus beau que de rater les grands seigneurs. Il n'y a avec eux qu'honneur et que civilité. Et je voudrais qu'ils me coûtaient deux doigts de la main. Viens, t'en es compte, marquis. Monsieur, voici monsieur le comte et une dame. Oh. Qui me tient par la main. Dis-leur que j'ai quelques ordres à donner et que je reviens tout à l'heure. Monsieur dit comme cela qu'il va venir ici tout à l'heure. Voilà qui est bien. Oh, je ne sais pas de rendre. Je fais encore ici une étrange démarche de me laisser amener par vous dans une maison où je ne connais personne. Quel lieu voulez-vous donc, madame, que mon amour choisisse pour vous régaler? Puisque pour fuir l'éclat, vous ne voulez ni votre maison, ni la mienne. Voilà le maître du logis. Un peu plus loin, madame. Reculez un peu. Quoi donc? Et bien, pour la troisième. Madame, monsieur Jourdain, c'est son nom. Et la troisième révérence. Madame, ce m'est une gloire bien grande de me voir assez fortuné pour être si heureux que vous ayez eu la bonté de m'accorder la grâce, de me faire l'honneur, de m'honorer de la faveur de votre présence. Et si je pouvais aussi mériter un mérite, que je mérite, comme votre mérite, et que le ciel, envieux de mes biens, m'est accordé et de me voir digne des... Monsieur Jourdan, voilà assez. Madame n'aime pas les grands compliments et elle sait que vous êtes homme d'esprit. C'est un bon bourgeois assez ridicule, comme vous voyez, dans toutes ses manières. Il ne va pas laisser de s'en apercevoir. Oh. Madame, voilà le meilleur de mes amis. Vous me faites trop d'honneur. Galant homme, tout à fait. J'ai beaucoup d'estime pour lui. Je n'ai encore rien fait, madame, pour mériter cette grâce. Prenez bien garde, au moins. Ne lui point parler du diamant que vous lui avez offert. Ne puis-je pas seulement lui demander comment elle le trouve? Comment? Gardez-vous-en bien. Ce serait vilain à vous. Et pour agir en galant homme, il faut que vous fassiez comme si ce n'était pas vous qui lui eussiez fait ce présent. Madame, Monsieur Jourdan dit qu'il est ravi de vous voir chez nous. Il m'honore beaucoup. Que je vous suis obligé, monsieur, de lui parler ainsi pour moi. J'ai eu une peine effroyable à la faire venir ici. Oh, je ne sais quelle grâce vous en rendre. Il dit, madame, qu'il vous trouve la plus belle personne du monde. C'est bien de la grâce qu'il me fait. Madame, c'est vous qui faites les grâces. Songeons à manger. Tout est prêt, monsieur. Mettons-nous à table et qu'on fasse venir les musiciens.